Une mystérieuse visite par Mark Twain. La première personne qui fit attention à moi lorsque dernièrement je m'installais fut un gentleman qui se présenta en qualité d'assistant attaché au service des revenus intérieurs, US. Je lui dis que je n'avais jamais jusqu'alors entendu parler de ce genre d'affaires, mais que je n'étais pas moins charmé de me trouver avec lui et le priai de prendre un siège. Il s'assit donc. Je ne savais trop que lui dire d'intéressant, et cependant, j'avais conscience qu'un homme parvenu à la haute situation de chef de maison doit être apte à tenir une conversation et montrer de l'aisance et du savoir-vivre en compagnie. Aussi, n'ayant rien de mieux à dire, je lui demandai s'il comptait ouvrir sa boutique dans le voisinage. Il me répondit affirmativement. Je ne voulais pas passer pour un ignorant, et j'avais escompté qu'il m'aurait indiqué l'objet de son négoce. Je me risquai à questionner. « Et comment vont les affaires ?»« Coussi-coussa, » me répondit-il. Là-dessus, je promis d'aller le surprendre un de ses jours et de lui réserver la préférence si sa maison faisait mon affaire. « Il pensait bien, » me répondit-il, « que son établissement ferait ma conquête définitive, » ajoutant qu'il n'avait jamais vu un client, après avoir traité avec lui une première affaire, l'abandonner et s'adresser à un concurrent dans sa partie. Tout cela sonnait bien, faisait bon effet, et si l'on néglige cette expression naturelle de finasserie que nous avons tous, mon homme paraissait un assez brave type. Je ne sais pas très exactement comment cela se fit, mais petit à petit, la glace brisée, nous fûmes compères et compagnons. La conversation se poursuivit à bâtons rompus le plus cordialement du monde. Et nous parlions, c'est-à-dire je parlais, et nous rions, c'est-à-dire il riait. Mais je gardais tout le temps ma présence d'esprit. Ma roublardise naturelle ne m'abandonna pas un instant. Barre toute, comme disent les mécaniciens. J'étais parfaitement décidé à pénétrer le secret de ses affaires, malgré l'obscurité de ses réponses. J'étais bien décidé à lui tirer les vers du nez sans qu'il pût même s'en douter. Je songeais à lui tendre un piège machiavélique, vraiment machiavélique. La tactique consistait à le mettre au courant de toutes mes affaires. Naturellement, échauffé et séduit par cet excès de confiance, il aurait un moment d'oubli et me raconterait par le menu toutes ses petites affaires avant d'avoir même pu soupçonner de quoi il retournait. Et je pensais en moi-même, « Ah, mon garçon, vraiment, tu ne te doutes pas à quel vieux renard tu as affaire. » « Vous ne devineriez jamais, » lui dis-je, « ce que m'ont rapporté mes conférences cet hiver et ce printemps dernier. Non, vraiment, je ne crois pas pouvoir le faire. » Quand bien même il lirait de ma peau. Voyons, à peu près $2,000, peut-être bien. Mais non, monsieur, je sais bien que vous n'avez pas gagné tant que cela. Voyons, $1,700, hein? Ah ah! Je savais bien que vous n'y arriveriez pas. Mes conférences m'ont donné l'hiver et le printemps dernier $14,750 de recettes. Hé, qu'en pensez-vous? Sapristi, c'est étourdissant, tout à fait étourdissant. Il faut que j'en prenne note. Et vous dites que ce n'est point tout. Tout? Ah, mais non! Il faut ajouter les bénéfices de mon journal, le Daily Wahhope, pendant 4 mois, soit environ. Que diriez-vous de $8,000, par exemple? Ce que j'en dirais? Diable, je dirais qu'il me serait agréable de me sentir ballotté sous les flots d'un semblable océan de dollars. $8,000? Laissez-moi noter cela. Quel homme! Et par-dessus tout cela, il me semble comprendre que vous avez encore d'autres revenus. Ha ha! Nous sommes encore bien loin du total. Voici mon livre, par exemple, The Innocents Abroad. Le prix est de $3,50 à $5 suivant la reliure. Écoutez-moi bien. Ne me lâchez pas de l'œil. Ces 4 derniers mois et demi, pour ne pas nous occuper des ventes précédentes, mais simplement pendant ces 4 derniers mois et demi, nous avons vendu 95 000 exemplaires de cet ouvrage. 95 000. Réfléchissez. En moyenne, $4 l'un. Ça ne fait pas loin de $400,000, mon garçon. Je gagne la moitié. 1,000,000,000 de tonnerres, par Dieu le Père. J'en prends note. 14 750, 8 000, $200,000, ça fait un total. Voyons, ma parole. Le total général n'est pas loin de $230,000 ou $240,000. Est-ce Dieu possible? Possible. S'il y a une erreur, elle est en moins. $240,000 en bel argent sonnant. Voilà mon revenu de cette année, si je sais compter, moi. Là-dessus, mon gentleman se leva pour partir. il me vint à l'esprit la pensée assez désagréable que j'avais peut-être bien fait toutes mes révélations en pure perte, sans compter que, flatté dans ma vanité par les exclamations étonnées de mon inconnu, je n'avais pas manqué de grossir démesurément mes affirmations. Mais mes craintes n'étaient pas fondées. Au dernier moment, l'inconnu me tendit une large enveloppe en m'indiquant qu'elle contenait son prix courant, que je trouverais là-dedans la nomenclature complète de ses opérations, qu'il serait heureux d'avoir ma pratique. Réellement, il serait fier d'avoir la clientèle d'un homme possédant un aussi prodigieux revenu. Il ajouta qu'il y avait à sa connaissance quantité de riches citoyens dans la cité, mais il avait remarqué qu'ils n'avaient plus que tout juste de quoi vivre aussitôt qu'ils entraient en relation d'affaires avec lui. Et vraiment, pour ne rien me cacher, il y avait si longtemps, qu'il ne lui avait été donné de contempler un homme riche face à face, de lui parler, de le toucher du doigt, qu'il avait toutes les peines du monde à se retenir de m'embrasser. Vraiment, il considérait comme une faveur insigne si je voulais l'autoriser à m'embrasser. J'étais trop charmé pour essayer de résister, et je permis à cet inconnu au cœur simple de me prendre dans ses bras et de verser dans mon dos quelques larmes apaisantes. Là-dessus, il partit. À peine avait-il tourné le dos que j'ouvris son prospectus. Je le parcourus attentivement pendant 4 minutes, alors je sonnai la cuisinière. « Soutenez-moi, je me trouve mal. Laissez Marie retourner les gaufres. » Cependant, quand je revins à moi, j'envoyai chercher un flacon de rhum chez le marchand du coin et je louai à la semaine un assistant avec mission de passer ses nuits à maudire cet inconnu et de m'aider à l'occasion pendant le jour dans ma malédiction personnelle lorsque j'étais fatigué. Ah, le misérable! Son prospectus, c'était tout bonnement une maudite formule imprimée pour l'établissement de l'impôt. Un chapelet d'impertinentes questions sur mes affaires personnelles. 4 grandes pages de papier ministre noirci de microscopique caractère. Des questions, je dois le dire, si merveilleusement présentées que l'homme le plus roublard du monde n'aurait pu en deviner la portée. Un questionnaire, enfin, combiné de telle sorte qu'on était amené à déclarer 4 fois son revenu réel si l'on voulait éviter une fausse déclaration. Je cherchais une échappatoire. Il n'y en avait pas. La demande numéro 1 s'appliquait à ma situation personnelle et l'embrassait aussi complètement et totalement qu'un parapluie peut recouvrir une fourmilière. Quels sont vos bénéfices pendant la dernière année, qu'ils soient dus à votre commerce, à vos affaires ou à votre profession, en un mot, quelle qu'en soit l'origine? Et cette demande était flanquée d'une 30aine d'autres pareillement inquisitoriales, dont la moins indiscrète, n'entend de rien moins qu'à savoir si j'avais commis quelque cambriolage, quelque vol de grand chemin. Si enfin, soit par incendie volontaire ou toute autre source mystérieuse de bénéfices, j'avais acquis quelque propriété qui ne fut pas spécialement dans la case blanche réservée à l'estimation de mon revenu, en face de la demande numéro 1. Il était clair que cet inconnu m'avait fait faire la forte gaffe. C'était très très clair. Aussi, je me précipitai dehors et engageai un second assistant. En spéculant sur ma vanité, mon inconnu m'avait amené à déclarer un revenu de 214 000 $. D'après la loi, sur ce total, 1 000 $ échappaient à l'impôt sur le revenu, la seule fiche de consolation qui me resta, une goutte d'eau dans l'océan. Au taux légal de 5%, je devais payer au gouvernement, à titre d'impôt sur le revenu, la somme de 10 750 $. Laissez-moi noter tout de suite que je ne l'ai pas payé. J'ai dans mes relations un homme de fortune opulente, dont la maison est un palais. Ses repas sont des festins, ses dépenses courantes sont énormes, et cependant, cet homme n'a pas de revenus. C'est du moins ce que j'avais pu souvent observer en parcourant les feuilles d'imposition. Dans ma détresse, j'allais lui demander conseil. Il saisit l'effroyable statistique de mes recettes, mis sur l'orgnon, prit sa plume et, pouit! J'étais un pauvre diable. C'était la chose la mieux établie du monde. Et cela très simplement, grâce à son habileté à triturer le chapitre des déductions. Il fit le calcul des taxes nationales, taxes d'État ou municipales, tant. Perte par suite de naufrage ou incendie, tant. Perte sur vente immobilière. Perte sur le bétail. Perte d'arrérage pour des fermes. Réparation, aménagement, intérêt. À déduire, comme préalablement taxé à titre de salaire d'officier dans l'armée de terre ou de mer des États-Unis, etc., et bien d'autres choses. il réalisa d'étonnantes déductions sur chacun de ses chapitres et sur chaque paragraphe des uns et des autres. Quand il eut fini, il me tendit le papier. D'un coup d'œil, je vis que mon revenu pour l'année précédente au chapitre des recettes s'était élevé à la somme de $1,250.40. « Maintenant, ajouta-t-il, au terme de la loi, les premiers $1,000 échappent à l'impôt. Il ne vous reste donc plus qu'une chose à faire, c'est de vous présenter au bureau pour faire votre déclaration sous serment et payer la taxe sur $250. » Pendant qu'il me tenait ce discours, son petit garçon Willy lui prit dans la poche de son gilet un billet de $2 et s'enfuit avec. J'aurais parié quelque chose que si mon inconnu était venu rendre visite à ce jeune garçon le lendemain, celui-ci lui aurait fait une fausse déclaration. « Est-ce que, lui demandai-je, est-ce que, en ce qui vous concerne personnellement, monsieur, vous traitez d'aussi magistrale façon le chapitre des déductions ?»« Comment donc, je m'en flatte. S'il n'y avait pas sous la rubrique déduction ces 11 libératrices exceptions, je me verrais réduit chaque année à la mendicité pour fournir des subsides à ce détestable maudit gouvernement de tyrans et de voleurs. » Cet homme compte parmi les meilleurs citoyens du pays. Gens de haute moralité, d'intégrité en affaires, d'honorabilité au-dessus de toute attaque. Aussi m'inclinai-je devant son exemple. Je me rendis au bureau du percepteur, et sous les regards accusateurs de mon vieil inconnu, je me raidis et accumulai mensonge sur mensonge, fraude sur fraude, honte sur honte, jusqu'à ce que mon cœur fût étouffé sous une quintuple épaisseur de faux serments et que j'eusse perdu pour jamais tout respect de moi-même. Mais qu'importe ? Des milliers de citoyens, parmi les plus riches, les plus fiers, les plus honorés, les plus réputés de l'Amérique, n'agissent pas autrement chaque année. Aussi je m'en moque. Je n'ai aucune honte. J'en serai quitte sur le moment pour parler peu. Et j'éviterai de mettre des gants à l'épreuve du feu lorsque je devrai faire un faux serment, de peur de contracter irrémédiablement une mentalité répugnante. C'était une mystérieuse visite par Mark Twain.